Voici maintenant une capsule de la série La véritable histoire de l'exorcisme d'Émilie Rose, présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou. De Vancouver à Klingenberg en Maine. 9 novembre 2005, les cinéphiles nord-américains découvrent la nouvelle réalisation de Scott Derrickson, The Exorcism of Emily Rose. Pendant les 119 minutes que dure le film, les spectateurs assistent au naufrage progressif mais inéluctable d'une jeune étudiante en sciences de l'éducation, Emily Rose, incarnée avec talent par l'actrice Jennifer Carpenter. Naufrage psychologique au début, effrayantes apparitions de nature démoniaque, troubles comportementaux face aux objets ou symboles du culte. Naufrage physique ensuite, anorexie, automutilation, hurlements. Les tergiversations des neurologues n'ayant pas donné d'amélioration notable, Emily et ses parents décident alors de quitter le monde médical pour entrer de plein pied dans celui de la foi. Le père Richard Moore multiplie les séances d'exorcisme car le diable est dorénavant regardé comme le seul et unique responsable des troubles de la jeune fille. Des phénomènes pour le moins étranges émaillent les quelques années que dure ce calvaire, certains étant effectivement de nature à s'interroger quant à leur origine. Malheureusement, l'exorciste ne s'avère pas plus efficace que le neurologue et c'est la mort qui attend Emily Rose en bout de course. Des accusations sont alors portées pour non-assistance à personne en danger et les débats, suivis par des millions de personnes, tournent autour des préséances entre médecine et exorcisme, ramenant une fois encore le dilemme, si c'en est un, de la science face à la foi. Le film, tourné à Vancouver, a coûté 20 millions de dollars. Il en rapportera près de 145 millions. C'est assez peu comparé aux 400 millions engrangés par le film mythique « L'Exorciste » de William Friedkin, d'après la nouvelle de William Peter Blatty. Mais il est clair que le diable continue de faire recette, même en ce début de troisième millénaire. Et d'ailleurs, le 13 décembre 2006, un autre réalisateur, l'Allemand Hans Christian Schmidt, sort un film racontant la même histoire que celui de Scott Derrickson. Mais Emily s'appelle cette fois Michaela, incarnée par l'actrice Sandra Hüller. Emily et Michaela sont la même personne. Et cette personne a réellement existé. Elle s'appelait Anneliese Michel, a vécu dans la petite ville de Klingenberg en Maine, dans le sud de l'Allemagne, et est morte le 1er juillet 1976, persuadée, comme tout son entourage, d'avoir été possédée par des démons. Scott Derrickson et Hans Christian Schmidt ont donc basé leur film sur un fond d'authenticité. Nous allons raconter dans les semaines à venir la vraie histoire. Pas celle d'Emily Rose, mais celle infiniment plus dramatique d'Anneliese Michel. Vous venez d'entendre une capsule de la série « La véritable histoire de l'exorcisme d'Emily Rose ». Présenté par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou.